Il est digne de nos acclamations, ce grand Dieu. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Merci, Jésus. Reçois la gloire, la louange et l'adoration. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Saluons dans le nom précieux de Jésus. Ce matin, nous sommes dans le livre des Cantiques, chapitre 1er. Tu peux dire bienvenue à celui qui est à côté de toi. Alléluia. Cantiques des Cantiques, chapitre 1er, le premier verset jusqu'à... sixième verset. Qu'il me baise de baiser de sa bouche, car ton amour vaut mieux que la vie, que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. Avec raison, au thème. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme le pavillon de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien de vigne. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, nous allons échanger sur un sujet que nous avons intitulé « Une bonne raison pour mes avancées irrésistibles ». Une bonne raison pour mes avancées irrésistibles. Quelqu'un d'autre peut dire une bonne réponse que je peux donner à toutes sortes de résistances devant mes avancées. S'il y a de résistance, alors qu'est-ce que je peux répondre? S'il y a des gens qui disent que je n'ai pas raison d'avancer, qu'est-ce que je peux répondre? Amen. Permettez-moi de prier un peu. Si vous pouvez incliner votre tête et dire, Seigneur, j'aimerais comprendre pourquoi je vais vraiment avancer. J'aimerais vraiment réaliser pourquoi je dois avancer. Pendant ces temps, tu vas méditer pendant peut-être 2 minutes, te dire, est-ce que je fais partie de ces hommes et de ces femmes qui, à 2019, doivent vraiment avancer? Alléluia. Corélante glara la rabocheteka. Zigla remana gozi telebore la sai. Peka sintagare. Ziante glorela reba shataka. Migia gizigia rokote kebe kentele kare. Plorisai mena glare zanta gozite baba. Ploro la kunta kayaka. Zia gozi menegari apera la rasataka. Zigia mene glora la sai pikita antele gaze. Mogizi zipakata rapa kokokoya. Zigunta gia gele razite mene glare. Ozali nzambe tuopona koyemba yawe lokola yo mokonzi amona niteu ba oyo nyoso bakutana na yoye bazonga na loyembo ya masanjolie okutana na Brahma opesa ye Isaka ekomitango ya Ana opesa ye Samuele ozali nzambe mokeli na mokili oyo zuwa loyembo emata na ngwende na yo e ozali nzambe mokeli na mokili oyo yamba loyembo emata na ngwende na yo e ozali nzambe nzambe na nga Uzanzambe nanguya Uzanzambe nanga nkolo Uzanzambe nanguya Yahweh Uzanzambe Oh Uzanzambe nanguya Uzanzambe nanga Hey Uzanzambe solo Uzanzambe Tako tondelo liyo likozina moto Oti kalola na yokuva fela ramasi Oti kangwe na ya bomanzi na yo na ekulusi Oh ozali zambe ame topo na koyemba Awe awe ozanzambe nanga ozanzambe nanguya ozanzambe nanga Zambe nanguya Zambe nanguya Zambe nanguya Zambe nanguya Zambe Elombe ozanzambe nanga Jambo yo ozanzambe nanguya ozanzambe nanga Okufe na mama nzambe nanguya Oti kalona imayo kufe na mama nzambe nanguya Ofuta nyongo ya bomoi na bo na ekulusi Ofuta nyongo ya bomoi na ekulusi Mama mama iya ya Ofuta nyongo ya Rema na glara la yendele gogo Aleluya oza Oh ale Aleluya oza Rema na goria Aleluya oza Iya rema na Aleluya oza Nere kore ndaga Aleluya oza Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Seigneur, donne à quelqu'un une bonne raison de réussir. Je sens que quelqu'un doit prier. Rema galara ta katara bashata kora la raya. Porilare la sita la gla. Kalara yara mama mama mama. Tambolaka nanga atana moto nayebina kozindate o Yesu yo za Tambolaka nanga atana moto nayebina kozikate po Yesu yo za Zalaka nanga Atana ebale na ebina kobungate po Yesu yoza zalaka nanga atana mai na ebina kozindate o po Yesu yoza zalaka nanga atana moto Na ebina kozikate, po Yesu yoza. Zalaka nanga, atana ebale. Na ebina kobungate, po Yesu yoza. Zalaka nanga, atana mai. Na ebina kozindate o, po Yesu yoza. Quelqu'un acclame Dieu, parce que tu ne vas pas mourir, tu ne mourras pas, tu vivras, et tu annonceras les hauts faits de l'Éternel. Tu mourras, tu ne mourras pas, tu vivras, tu témoigneras les hauts faits de l'Éternel. Il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est le bon berger de ta vie. Offre-lui une bonne acclamation, un bon cri de joie. Le Dieu du ciel. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors demande à celui qui est à côté de toi, pourquoi tu penses que tu vas réussir? Pourquoi tu penses que tu vas avancer? Et tu ajoutes même sans résistance. Pourquoi? Nous allons parler de cette bonne raison. Pour les avancées irrésistibles, je vais développer ça à 4 points. Je vais vous donner les 4 questions qui vont conduire notre méditation. Je vais parler de concerner de ces messages. 3, je vais contextualiser ces messages. Et enfin, je vais donner quelques 4 raisons qui peuvent nous soutenir pour croire que nous pouvons avancer malgré tout. Vous savez, quand ce thème est annoncé, chacun a une attitude. Chacun est dans une situation, chacun est dans une réalité. Chacun est dans un combat, chacun est dans un défi. Et quand on dit tu vas avancer de manière irrésistible, parfois tu te dis, est-ce que je fais partie des hommes et des femmes qui doivent avancer? Et nous avons des raisons. C'est pourquoi nous nous posons 4 questions. La première question, nous nous disons, est-ce que je suis digne d'avancer? Est-ce que je suis digne d'avancer de manière à ce que personne ne me résiste? Est-ce que si je rêve la promotion, est-ce que vraiment je peux être promu sans résistance? Est-ce que je mérite ça? C'est une question fondamentale. Je vais être marié, est-ce que je mérite le mariage? Avec tout ce que j'ai connu, avec la situation de ma famille, avec la réalité, est-ce que je suis aussi digne de croire à un mariage? Je vais être chef, je vais monter dans mon entreprise, dans ma profession, mais est-ce que je suis digne? Est-ce que je mérite? Vous allez vous rendre compte que déjà à un moment donné, quand nous nous posons ces questions, il y a des moments où nous nous disons, c'est pour les autres. C'est pour les autres. La question de la dignité, la question du mérite. Est-ce que je mérite ce que je demande à Dieu? Est-ce que je mérite ce que je crois depuis que ce message a été annoncé, on dit vous allez avancer de manière irrésistible. À un moment donné, on se pose la question, est-ce que je fais partie de ceux-là qui vont avancer? Et je vous dis la vérité, c'est qu'il y a des thèmes, quand ils sont annoncés, les autres qui disent, peut-être c'est pour les autres, c'est pas pour moi. La deuxième question, c'est de se poser, c'est de dire, est-ce que j'ai un fondement, j'ai une base pour croire à ce que je crois, pour m'attendre à ces avancées. Est-ce que j'ai une base? Est-ce que j'ai des fondements? Est-ce que j'ai un soubassement sur lequel je peux avancer? Il y en a ceux qui ont fait l'école maternelle, déjà à deuxième maternelle, ils savent, n'est-ce pas, les couleurs. Mais vous savez, beaucoup d'entre nous, si on lui dit brusquement que ça c'est quelle couleur, il peut réfléchir pendant 5 minutes, essayer de le faire. Ça c'est quoi? C'est rose, c'est quoi? Et c'est déjà un problème, c'est déjà difficile parce qu'on n'a pas eu la chance d'être à l'école maternelle. À un moment donné, mon garçon, mon premier-né, nous a mis à des bandades dans la maison. Et j'aimerais vous soumettre à la même question. Il nous a posé la question du truc là qui est au ropo Chukudu. Chukudu en français, ça veut dire quoi? Bon, je vous dis franchement que c'était une question difficile dans ma petite maison. C'est quoi? Ton voisin, est-ce qu'il sait? En français. Mais le garçon, il était à troisième maternelle. Il m'a dit, donnez-moi le nom de ce truc là. Bon, on a réfléchi et par la grâce de Dieu, je ne vais pas vous dire la suite, mais ce n'était pas très bon. La fin nous a recadré, nous a ramené et nous avons compris que cet enfant a eu la grâce d'être à l'école maternelle. Ce que nous n'avons pas eu, moi je ne connais pas l'école maternelle, mais gloire à Dieu, je suis en train de vous prêcher. Pourquoi ne pas le louer? Louez-les avec moi, acclamez ce Dieu qui peut amener un homme qui n'a pas été à l'école maternelle. Il lui donne l'avantage de prêcher à ceux qui ont fait lièvre, je ne sais pas moi. Osborne, je vais vous prêcher ce matin par la grâce de Dieu. Il est bien quoi, Jésus. Il y a un moment où quand le révérend, il y a des fois, il parle. Je lui regarde, je dis, mais est-ce que le vieux connaît là où nous venons? Comment il peut nous dire de croire à ces choses? Est-ce que nous avons un fondement? Regarde toi-même l'école où tu as étudié. Tu as même honte de le dire. Si on dis à ton voisin là où tu as fait l'école primaire. Il y a beaucoup qui vont douter ou qui vont mentir même dans le temple. Parce que c'est une école qui n'est pas recommandable. Toi-même, tu dis, mais si je dis aux gens que moi j'ai étudié là-bas, ça ne ressemble pas à la veste que je porte maintenant. Ça ne ressemble pas à la voiture que j'ai. Ça ne ressemble à rien. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne peuvent même pas amener leurs amis dans leur famille. Là où il y a les parents, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas dire le nom de famille. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu pour la justice, on peut changer même des noms. Alors il y a ceux qui s'appellent Christophe Apollinaire, Néma. Donc tu ne sais pas si je suis d'où. Parce que Néma c'est partout. Bon, on va savoir quand même que je suis Moussouaïli, mais Antoine et tout ça, ça cache quand même quelque chose. Et j'étais à Béni, je n'ai pas eu le temps de voter. J'ai voté par la foi, j'ai voté dans la prière, j'ai voté. Je priais, je dis Seigneur, comme je n'ai pas le droit de voter, les Ebola m'empêchent et tout ça. Comme ça, je me mets à genoux, je prends les gens qui sont distraits, ils vont voter pour moi. Je les bombarde, mon candidat, dans le nom de Jésus. Bon, j'ai essayé de faire ça. Je ne sais pas si ça, je réussis ou pas, mais gloire à Dieu. Alors, un ami me dit, mais tu vois, on a déjà élu le président. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, il faut... Si vous pouvez avoir l'opportunité de changer de nom, vous pouvez être Chimanga, Chibala, Kalonji, Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est comme ça que j'ai eu ce message. En fait, quelle est la bonne raison qui va me rassurer que dans ce gouvernement, j'aurai toujours ma place? Il y a ceux qui vont changer de nom. On a vu, ce n'est pas la première fois. Il y a déjà des loubéros qui s'appellent des Kalonji à l'époque, qui s'appelaient de Mbunza, donc à l'époque, quoi. On a changé de nom pour échapper à certains professeurs qui étaient rigoureux, pour échapper. Chacun de nous a des petites raisons pour réussir. Vrai ou faux? Quelle est ma base? J'ai fait quelle école pour croire que moi aussi, je peux être un pasteur international? On dit qu'il y a maintenant des pasteurs internationaux. Avec quelle base? Et il y en a ici, Église internationale des Nations. Si tu dis, Morning Star, il dit, Alléluia, il dit non, parlons anglais, frère. Tu as écrit international, donc tu dois être au moins avec les quatre langues internationales, un peu d'anglais, un peu de, je sais pas, l'allemand ou quoi, les portugais, tout ça. Donc, comment toi tu es international et tu... Est-ce que j'ai une base? Troisième chose, qu'est-ce qui soutient? Parce qu'il ne faut pas monter sans avoir un soutien. Ça va. Si tu es élevé par la main, quelqu'un a dit, si la main de l'homme t'élève, il va t'élever au niveau de la longueur de sa main. Si Dieu t'élève, il va t'élever au niveau de sa grandeur. Tu es élevé ou tu veux être élevé. Qu'est-ce qui va te soutenir? À un moment donné, j'ai commencé à faire des prières différentes et difficiles. J'ai commencé à dire à Dieu, j'ai besoin d'être sûr que je ne suis pas là où tu es, mais que j'étais toi. Je peux être à l'arche et à Dieu. Et je peux marcher avec l'onction de l'arche, avec la grâce de l'arche. Mais est-ce que j'ai Dieu? Je ne veux pas être là où Dieu est, mais je vais avoir Dieu. Parce que si j'ai Dieu, les mêmes bénédictions que je peux avoir ici où il y a Dieu, je vais les avoir partout où je serai. Demande à celui qui est à côté de toi, tu as Dieu ou tu es là où il y a Dieu? Et je vous demande dans l'amour du Seigneur d'aller continuer à méditer sur ça. Parce qu'il y a des moments où tu peux être dans un lieu où il y a le pouvoir. Vous savez, si vous êtes dans le cortège d'un président, vous pouvez recevoir des honneurs et vous pouvez croire que vous êtes honorable. Et s'il vous laisse, c'est là que vous vous rendez compte si vous êtes vraiment honorable ou pas. Mais je souhaite que vous ayez l'honneur qui est attaché à vous, pas à l'endroit. Je veux que Dieu soit pour vous. Je souhaite que vous ayez Dieu, parce que même dans la vallée de l'ombre et de la mort, il sera avec vous. C'est ce que j'appelle la base. Est-ce que j'ai la base pour mes avancées? Je peux avancer parce que c'est ma tribu qui est au pouvoir. Mais je peux avancer parce que c'est Dieu qui est avec moi. Et quand tu as Dieu, tu seras comme Daniel. Daniel, il est dans le pouvoir de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar tombe, les Mèdes prennent le pouvoir, on le récupère. Les Mèdes tombent, on les récupère. Parce que son élévation n'est pas en train de dépendre d'une tribu, n'est pas en train de dépendre d'un homme, mais c'est attaché à Dieu. Et il s'appelle l'ancien de jour. Qu'est-ce qui va soutenir tes avancées? Qu'est-ce qui va garantir tes avancées? Et je vais m'adresser, je disais, à quatre personnes. Je ne suis pas venu, je vais simplement prendre la peau de Dieu. Vous savez, Dieu, il n'est pas le Dieu des meilleurs. C'est là même que le diable est menteur, c'est là que le diable est faux. Je n'ai pas vu les Rosicriciens, les francs-maçons aller recruter quelqu'un, Maïbobo. Il y en a plein. Si vraiment la sorcellerie agit ou les francs-maçons sont capables de rendre quelqu'un riche, allez prendre les Maïbobo, rendez-les riches. Mais on cherche quelqu'un qui a distingué, il a déjà 78%, 80%, et on dit non, il faut entrer dans les loges. Ils sont incapables de donner l'intelligence. Si vous êtes fort, allez chercher quelqu'un qui a eu 18% et montrer que vous pouvez l'amener à avoir 80%. Nous allons savoir que vous êtes fort. Quelqu'un est en train de se débrouiller, il est maire, il est c'est pas moi, chef de quartier, Nyumbakumi, il couvre les Nyumbakumi, on le fait chef de quartier, et puis bourgmestre, et puis maire de la ville. Quand il arrive au gouverneur, oh non, le rang que tu as atteint, il faut que tu sois dans un loge. Vous avez été où? Pendant que je grimpais, j'étais en train de monter, vous étiez où? Mais ce matin, je suis venu annoncer le Dieu qui ne cherche pas dans les meilleures universités, qui ne va pas dans les meilleurs endroits. Lui, quand il cherche les candidats, il se promène, il va à prison. Les gens dont le casier judiciaire est déjà noir, il les prend et il flanque un rêve au roi. Et il dit, qui va interpréter? On cherche dans les universités, personne. On cherche les professeurs ordinaires, personne. On cherche les experts, personne. Et les cuisiniers. Il dit, je connais quelqu'un. Bon, il est de mon rang, quoi. Mais tu l'as rencontré où? À prison. Où? À prison, il dit, oui. Il est capable, oui, oui. Et lui donne premier ministre. Le jour où un homme comme ça, premier ministre, décret pharaonique, numéro 00, tout, Joseph. La femme de Potiphar dit, quoi? On dit Joseph. Tension directe, allez, massage cardiaque. Quand il veut, il ne va pas à l'ULPGL, il ne va pas, je ne sais pas moi, c'est pas moi. Il ne va pas dans ces meilleures universités que nous connaissons. Oh, Inilou, oh, j'ai fait une Ikiz, oh, Kassapar, non. La Bible dit, il élève du fumier. Lui, quand il cherche quelqu'un, il va là où il y a le fumier, il va à la poubelle, là où on a jeté. C'est là qu'il va, il prend quelqu'un, il lui donne la forme. La Bible déclare, la terre était informe et vide. La différence avec cette terre-là, qui était informe et qui était vide et qui était submergé par l'eau. La différence, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. S'il y a l'Esprit de Dieu qui est en mouvement, quelle que soit la position, quelle que soit la race, quelle que soit la nature, tu es candidat aux avancées. Tu es candidat aux avancées. J'aimerais dire que quelqu'un qui est informe dit, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Moi, je dis, il est Dieu. Moi, là, prêcher à des gens qui ont étudié, là. Maman Rosette, moi, je suis une terre informe. Mes esprits en zambé kaka. Et yé, les colonnes à maille, il en est ramassé cool. Si je te dis mon village, tu risques de couper le message. Je ne te donnerai pas la sache de connaître mon passé. Il y a des témoignages que je ne dirai plus jamais, papa Jean-Baptiste. Je les jure. Je ne les dirai jamais parce qu'il y a des gens, quand vous leur dites que vous portez les culottes, ils veulent encore te faire porter ça. Je ne porterai pas ça. Dieu m'a donné déjà le pantalon. Je cherche à donner sa pantalon. Ouh! Dis à celui qui est à côté de toi, oublie ma culotte. Hey. Il y a des gens là-bas, quand le président est déjà président, il ne faut pas répéter. Oh non, il était motard. Tu vas aller à prison. Il y a des choses qu'il ne faut pas rappeler. Je ne suis plus là-bas. Dieu m'a élevé. Acclame ce Dieu. Ouh! Il est Dieu. Il change l'histoire. Lui, il ramasse du fumier. Il fait asseoir avec l'indigent. Hey, hey. Moi, j'ai décidé d'aller dans l'école des politiciens du Congo. Depuis ce jour, je suis en train de revoir les DVD. Je revois tout ce qu'on m'a envoyé sur YouTube. Je rentre les jours de la campagne. Je vois chaque politicien, ses déclarations, tout ce qu'il a dit. Je vois les jours de la prestation et je vois comment il se comporte. Je prends la même attitude. Hey, dis à celui qui est à côté de toi, sois flexible. J'ai l'impression de prêcher ce matin. Il faut être flexible. Oui. Il y a des gens qui disent, moi, je n'ai jamais démissionné de l'IDPS depuis longtemps. Je suis membre de l'IDPS. Il faut comprendre, c'est ça l'école du Congo. Le Congo, c'est une université très excellente. Si vous entrez dans ces leçons, vous avancez. Oh, mon Dieu. Si chacun se rappelle d'hier, là, nombreux n'ont pas besoin qu'on les rappelle. Par exemple, moi, je n'étais pas né dans l'hôpital. Vous voyez déjà que ça vous fait rire. Franchement, moi, on m'a... Papa Godlov, est-ce qu'il faut qu'on m'a rappelé ça? Quand je prêche au nom, il était né dans la case. Tika Makambwana, là, je parle comme celui qui était né en France, à Belgique. Je parle, je confesse. Pourquoi? La grâce m'a trouvé. La grâce m'a cherché. Il y a une bonne raison pour que j'avance. Ce n'est pas de là où je suis né, de là où je viens, tout ça. Tu as étudié à quelle école primaire? Ça ne te regarde pas. Tes parents s'appellent comment? Ce n'est pas important. Ton village, c'est pas important. Regarde-moi, vois ce que je peux faire maintenant, c'est tout. Avançons. Que personne ne te juge par rapport à ton passé. Tu es plus grand que ton passé. Tu es plus grand que tes erreurs. Tu es plus grand que tout ce que l'environnement t'a donné comme nom. Reçois cette grâce. Marche dans cette grâce. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je vais parler à ces gens qui sont dans la poubelle. Aujourd'hui, je n'ai pas un message pour ceux qui ont été promus, ceux qui sont fortement mariés, ceux qui sont dans le parti qui a remporté les élections. Non, mes messages ne me concernent pas. Je parle à ceux-là qui ont perdu les candidatures. Ils s'attendaient à 10 000 bras, on les a franqués 400 fois. Je parle à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu les élections? Ne lève pas la main, mais sois sûr que ce message te concerne. Je parle à celui-là. Je parle à la première personne qui est mal positionnée. Il y a des positions quand on te met là, c'est pour te dire, on te met là où on se rassure que tu vas échouer. Dans les entreprises, il y a des places qu'on appelle garage. Même quand il y a des réunions, vous ne savez pas. Au vieux seulement vous annoncez que non, hier, le chef, la délégation de Kinshasa est passée et ils ont passé à revue les gens. Et tu étais où? Le chef m'a envoyé à ça qu'il savait qu'il y aura une réunion. Pourtant, je devais remettre mon dossier. Basse, autant mal positionné. Si tu as déjà subi ce genre de choses, je suis ton messager ce matin. On prend le petit David, on les met comme berger. Un enfant, le dernier, est-ce que les cadets ont les places pour aller garder les troupeaux? Même là où nous sommes, est-ce que les cadets ont comme mission d'aller garder les troupeaux? Franchement, les cadets, on les protège. Mais le huitième, on l'a mis là. Mais vous savez le mystère? Vous savez le mystère? Le mystère, c'est que Dieu... Les chiffres de Dieu s'arrêtent au chiffre 7. Quand vous allez au huitième, ce que vous commencez au premier. La Bible dit, il a créé le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième jour, il a dit, c'est fini. Quand vous comptez huit, ce que vous commencez au premier. À d'autres termes, David, c'était le premier né de la deuxième lignée qui s'appelle la grâce. C'est pourquoi l'enfant devait être circoncis au huitième jour. Parce que le premier jour, il a eu la naissance de sa mère. Et il doit se reposer le septième jour. Le huitième jour, il entre et maintenant il naît dans l'alliance. On le circoncis. Pour qu'il naisse dans l'alliance. Bon. Mais David, on le méprise. Et le grand choisit, même son père, choisissent de les mettre dans la forêt, derrière le troupeau. Ce qu'on ignore, c'est que pendant qu'on le laisse là, il est en train de faire des exercices avec des loups, avec des lions. La Bible n'a pas dit que David a tué un lion et un ours. La Bible utilise un mode que nous connaissons bien. La Bible dit, pendant que le lion venait. La Bible ne dit pas pendant que le lion est venu. Quand on dit est venu, c'est une fois. Mais quand on dit quand le lion venait, il y a un temps répété. C'est-à-dire les lions sont venus plusieurs fois. Les loups sont venus plusieurs fois. Parce que ces gars étaient dans l'exercice du pouvoir, l'exercice de la force. Et il était devant des témoins muets, des témoins qui ne parlent pas. Si vous demandez aux brebis les CV de David, le problème c'est que vous allez fuir parce que vous n'avez jamais vu le brebis parler. Quand ils voient David, vous ne savez pas qu'ils sont contents. Mais si vous changez leur leader, ils ne vont rien dire. Mais ils savent que lui, quand le lion vient, en Aoua, je parle à quelqu'un qui a des témoignages qui ne sont pas connus. Tu as des expériences avec Dieu. Personne ne le connaît, même ton père. Et quand on fait la fête, l'homme de Dieu dit, il y a un roi dans ta maison, je viens le oindre. Il dit, ok, mes fils, venez. Le jour de la prestation des serments présidentiels, on accepte que l'enfant ne voie pas même son grand, même si ce n'était pas lui. On peut quand même dire que le cadet voit comment son grand frère est en train d'être investi. On l'oublie. Il est mal positionné, c'est-à-dire les cérémonies importantes écartées. Mais là, le soleil était en train de l'éclairer. Je suis venu parler à quelqu'un qui croit qu'il est mal positionné. Je t'ai dit que le Dieu à qui tu as cru, le Dieu de l'arche, c'est le Dieu qui cherche dans les mauvais endroits, qui ramasse dans les mauvaises positions, qui s'occupe des sentinelles comme Mardoché et qui les donne le pouvoir. Cesse de t'appeler orphelin. Oh, orphelin, tu as combien d'âge? J'ai 45 ans. Oh non, je suis orphelin, frère. À 45 ans, comment tu continues à porter le nom d'orphelin? Maman Rosette avait un papa ici qui venait chez lui. Oh non, je suis orphelin. Tu te souviens, maman? Mais comment toi, tu es 45 ans et où qu'on est dans orphelin? Oh, liste des orphelins. Naoué où? Tu as déjà fini l'université? Oh non, je suis orphelin des pères et des mères. C'est pas bon. Il y a des choses qu'il faut laisser. Je vais parler à la deuxième personne. Cette personne se sent dans l'adversité. Il y a des adversaires partout. Dans l'entreprise, tu sens qu'on ne veut pas que tu évolues, on ne veut pas que tu progresses. Dans la belle famille, on ne veut pas attendre de toi. C'est-à-dire, tout ce qui est bon, c'est difficile. Si tu es une femme, ton mari veut t'acheter même un bijou, ce sont les belles sœurs qui parlent. Mais Maendele Oyako, c'est comme si ça gêne tout le monde. Ce message est pour toi. Ok? La troisième personne, c'est la personne qui a un mauvais héritage et un mauvais background. J'ai vu quelqu'un perdre le mariage simplement parce que ses parents étaient divorcés. Je suis moi, mes parents sont mes parents. Ils ont connu leur histoire, pourquoi je dois perdre mon mariage? Dis non, non, ma famille a trouvé qu'on ne doit pas te marier parce que ta famille, ton père et ta mère sont divorcés. Et puis bon, nous pensons que le même esprit peut t'accompagner. Ah. Tu viens au vieux de t'engager et puis dernière interview, dis non, vraiment tu es le seul qui a réussi. Mais tu es de quel village en fait? Oh non, je suis de Kamituga. Tu es du village de tel qui est de tel parti politique. Ah, les choses des partis politiques, celui-là il est dans son parti politique. Ça vient faire quoi dans ma vie? Et on dit non, on va voir Toka. Je n'ai rien fait. Il y a seulement un mauvais héritage qui m'accompagne. Il y en a plusieurs parmi nous qui ont un héritage tel que ça constitue déjà une résistance pour évoluer. Tu es là? Même quand tu as brillé, tu avances. Une fois on te dit, mais tu es de quel village? Tu dis, bah, c'était un problème, mes hands. Tu brilles, on dit, mais tu es de quel parti politique? C'est basse. Si un jour tu dis, tout cas, c'est fini pour toi. C'est-à-dire ton histoire, tes origines, ton background semble déjà être une résistance. Or, l'année est déclarée année des avancées. Il n'y a pas de résistance. Mais déjà, tu vois l'histoire de ta famille te résiste. Quand quelqu'un veut faire des affaires avec toi, tu dis, oh, mais c'est lui qui a causé, son grand frère, c'est celui qui a causé la faillite de tel. Sa petite soeur, c'est celui qui a tué le foyer de tel. Même son oncle, c'est lui qu'on a pris là-bas. Et même, donc, famille, il y a quoi au péché? Quand il s'est marqué tout, je ne vais pas avancer. Mais ce matin, j'ai un message pour toi. Et la quatrième personne, c'est cette personne qui vit dans la culpabilité de ses erreurs. Vous savez, la vie est faite des erreurs. Et qui est prêt ou qui veut que l'on les traite par rapport à ses erreurs d'hier? J'ai commis une erreur, mais commettre une erreur ne fait pas de moi une erreur. Et l'Église, nous devons apprendre à voir les gens autrement. Si quelqu'un a commis une erreur aujourd'hui, il faut apprendre de le voir à nouveau. Je m'imagine au ciel. Moi, j'ai toujours pensé que Dieu, il a déjà prévu les gens qui vont faire le counseling au ciel et d'autres qui vont faire le massage cardiaque. Parce que je vous dis, au ciel, il y aura des crises. Sauf que c'est le ciel. La maladie sera déjà anéantie. Parce qu'il y a des gens qui ont été des grands bandits voleurs et pendant qu'il est en train de mourir, à la dernière souffle, de Yesu. Ni sa main. Les gens là, si vous posez la question à tous ceux qui étaient devant la croix, vous dites comment Jésus était mort. Ils vont vous dire Jésus était mort avec des brigands. Mais si vous allez dans les livres de vie, le premier sauvé, le premier nom, c'est les brigands qui étaient à côté. C'est lui le premier croyant de la première église. C'est-à-dire quand Jésus a versé le sang, parce que le sang où l'église est née, le jour où Dieu a déclaré Jésus le second Adam. Or Adam, pour avoir son épouse, Dieu l'a plongé dans un sommeil. Quand il l'a plongé dans un sommeil, il a troué sa côte. Là, il a récupéré la côte et il a fabriqué la femme qu'aujourd'hui nous appelons l'église. L'église n'est pas née le jour où Jésus a été baptisé. L'église n'est pas née le jour où Jésus a marché sur l'eau. L'église n'est pas née le jour où Jésus a multiplié le pain. L'église est née le jour où le monsieur là, il a pris l'épée, il a mis dans sa côte. L'eau et le sang est sorti. C'est là qu'est née l'église. C'est là que la femme est sortie. Et le premier candidat qui a été le premier bénéficiaire des meurtrissures de Jésus, c'est les brigands. Tout le monde est en train de dire, oh, les autres sont en train de dire, maudit, tu disais tu es puissant. Le monsieur est en train de dire, vous pensez qu'il parlait à haute voix avec tous les fouets sur la croix? L'autre dit, mais si tu es vraiment le Christ, sors-nous d'ici, non? L'autre, il dit, mais toi, nous avons mérité d'être ici. Jésus, souviens-toi de moi dans ton royaume. Même si tu es arrosé de sang, je vois à toi un roi. Même si tu es nu, je vois à toi mon roi. Même si tu es méprisé maintenant, je crois que tu es le créateur. Mon fils, aujourd'hui, nous serons avec toi dans le paradis. C'est Lévi le responsable de l'évangile. Je dis, mais allez quitter la classe de baptême. Il faut qu'il passe à la classe de baptême. On dit, il n'y a pas de baptême. Oh, Vianney Kaloumé. Oh non, il faut qu'il passe à la classe de prière d'abord. 6 mois. Je l'apprends à la prière. Il n'y a pas de classe. Sans ticket, sans évangélisation, sans baptême. Nalola, paf! Direct! Entrez sa condition. Je suis en train de dire à quelqu'un, malgré tes vols, malgré tes avortements, malgré tes péchés, quand la grâce va t'atteindre, tu vas entrer sa condition. Reçois cette grâce parce que c'est ça la grâce. La grâce, ça s'appelle les dons immérités. Je n'ai pas mérité ce que je suis. Je ne mérite même pas le souffle de vie. C'est la grâce de Dieu. Et pourquoi ne pas piquer la crise? Quand Pierre, il est en train de recruter. Et puis, les pharisiens qui les ont mis sur la croix. Ils arrivent au ciel et ils voient le brigand à robe blanche. Rayonnant, dit, ah! Celui qui a tué, comment il est au ciel? Et moi, je n'entre pas. On dit, il y a tout. Ça, il y a tout. Il y a tout. Dis à celui qui est à côté de toi, ne condamne pas quelqu'un. Tu ne sais pas ce qu'il dit Dieu à Dieu et à secret. Ah oui, oui. Oh non, il est habillé comme ça. Oh non, il a une tête qui ressemble au rebelle. Oh non, ses lunettes ressemblent au péché. Frère, oui, ah oui, quand même. Chapitre sur ma coffre. Je continue. Je parle à ces gens-là. Vous vivez dans la culpabilité. Quand vous vous rappelez de votre histoire, vous dites, est-ce que je mérite? Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Judas, de Pierre. Mais s'il faut chercher quelqu'un qui doit être le prédicateur qui prêche et 3000 se convertissent à une prédication de moins de 15 minutes, est-ce qu'il faut vraiment chercher Pierre? Si on remet le film derrière, si on prend la vidéo, les apôtres sont là, parce que les apôtres avaient fouillé. Quand on a pris Jésus, il y a même celui qui a fouillé nu, à Kassaha ou Bouch, à Kassema, moi, sauf qui peut. Kakimbi. On appelle celui-là. On appelle tous ces gens-là. On met le film. Ils s'assoient et ils regardent le film. On montre le premier extrait. Le premier extrait, c'est là où Pierre, c'est le conseiller de Jésus. Jésus dit non, je vais mourir. Et dans 3 jours, je vais ressusciter. On voit Pierre lui dire, excusez-je, il l'enlève dans la foule, il lui dit, tu vois, un leader ne parle pas comme ça. Tu as marché sur les eaux, tu as multiplié le pain. Un leader doit cacher ses faiblesses, le leader est fort. Quand il parle, c'est comme s'il prie toute la nuit. Il ne faut pas dire aux gens que tu as dormi sans prier. Comment on a fait ma ville? Nous croyons à toi. Moi, j'étais vu sur l'eau. J'ai même marché quelque part. Qui peut te tuer ici? Un leader parle avec assurance. Il assure les gens. Il donne la vision. C'est l'extrait. Ils sont en train de suivre le film. Et puis, on voit Pierre dire, arrière de moi, Satan. On voit Pierre. Et puis on montre Pierre, il dit Jésus. Jésus dit, tout le monde va m'abandonner, je vais entrer dans le moment. Pierre dit, Bango nyoso bakokima. Sauf moi. Tout ça, les Thomas, ils sont vos fruits. Moi, je vais rester avec toi. Moi, je suis vieux, quoi. Si j'ai décidé de te suivre, ce n'est pas pour rien. Et quand je t'ai suivi, tu sais combien de poissons j'ai laissé. J'avais une entreprise, j'avais des bateaux. Moi, je sais ce que je fais. Si je crois, je sais. J'ai tout abandonné à cause de toi. Ce n'est pas la dernière minute que je vais te lâcher. Jésus dit, ok, merci. Mais le coq va chanter 3 fois. On montre cet extrait-là. Et puis, on montre Pierre. Il est là à côté du feu. Jésus est en train de le flanquer, de fouer. Et Pierre est loin à côté du feu. Et une femme vient dire, mais toi tu le ressembles, Zinga. Comment avec mon âge je vais être derrière ces jeunes qui ne connaissent même pas. Vous savez, la Bible dit, Pierre a refusé avec des imprécations. Dit, voilà, il me séjourne. On a un âge, il faut que tu aies un peu de temps. Il faut que tu Je ne sais pas, pardon, je ne sais pas ce que Pierre a dit. Mais ce qu'il a dit, si on avait écrit ça, ce n'était pas bon. On montre cet extrait-là. Pierre nie Jésus carrément. Donc tu es d'accord qu'on les tue. Mais il faut les tuer même. Et puis, on les montre maintenant les jours de la Pentecôte. Pierre, toi aussi tu peux avancer. Toi aussi tu peux parler à langue. Toi aussi tu peux prier pour les malades, ils sont guéris. Il dit oui. Sur quelle base? Par rapport à quelle histoire? Toi tu as nié Jésus et tu veux être le meilleur prédicateur? Toi tu as coupé l'oreille d'autrui et tu veux être le meilleur prédicateur? Si Pierre commence à prier sur le pardon, Manamone Chalisikio et Marcus. Oh non, ne frappez pas l'ennemi. Manamone Chalif, je parle à quelqu'un qui a une histoire comme ça. Ton histoire ne montre pas que tu as droit au mariage. Toi-même, tu as détruit autant de mariages. Je vois déjà, oh non, je suis en train de chercher une fille vierge. Tu as déjà couché avec combien de femmes? 50. Sous ta foute, non, Manamou, qui m'achala, là, Manamou, mais 50. Tu cherches une vierge, mais est-ce que tu es digne d'avoir une bonne femme, toi? Moulise moi kopembe ni akoni saide kuhubiri parce que maubiri na ingia sai. Est-ce que wewe unastahili bila uko na homme? Oh non, je commence mon entreprise, j'ai besoin de vrai un bon gérant, un caissier honnête. Ouais, peko ko honnête. Uliba marangapi, na wewe bakolete ba mwizi. C'est ce que tu mérites. La Bible dit on récolte ce qu'on a. Mais il y a quelque chose qui a changé, même ce que nous avons fait. Tu peux avoir une vierge malgré tes destructions, parce qu'il y a une bonne raison. Tu peux avoir des gens intègres, parce que Jésus, il est mort pour toi. Ce n'est plus ton mérite, mais c'est la grâce de Dieu. Et voilà là où nous avons le contexte de ce message, où on a une jeune femme, cette jeune femme qui est villageoise. Elle n'est pas seulement villageoise, mais cette femme, Et dans une famille injuste, les hommes refusent d'aller garder les troupeaux et ils envoient leur sœur. Quand la sœur parle, c'est par méchanceté. Elle dit, mes frères m'ont fait gardienne de vigne. Ma vigne à moi, je ne le peux garder. À d'autres termes, j'avais aussi mes ambitions, j'avais aussi ma vie. On les a brisées et on m'a obligé d'aller garder les troupeaux de la famille, mes grands frères. Et là, j'étais exposé. C'est là que le soleil n'a ni piqué et j'ai été noir. Quand il parle d'être noir, ce n'est pas dans le sens de la beauté, c'était dans le sens de la persécution, c'était dans le sens de l'abandon, de la solitude. On m'a jeté à mon propre sort. Mais quand on m'a jeté, le roi Salomon m'a rencontré. Hein? Donc tu as avancé malgré que tes frères ne t'aimaient pas. Tu as avancé malgré que tu n'étais pas au village là où le roi peut faire un petit meeting. Il est passé pendant qu'il sort du meeting du village et dans la brousse, dans le chemin, il voit à côté une fille qui est en train de garder le troupeau. Il dit mais arrêtez le char et il regarde, il dit viens. Il dit c'est comme ça. Et quand on l'apprend, le roi l'apprend. Il dit à sa famille, en tout cas, je prends la femme, c'est ma femme. À partir d'aujourd'hui, je suis votre gendre. Ah! Moyen tu lui tout pas mon pauvre, on n'a pas ta moufalme. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va à Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, il rencontre la résistance. Dis avec moi résistance. Il arrive, il dit, est-ce que la femme du roi marche comme ça? Vous voyez quelqu'un qu'on prend du village, quoi. Et puis il est derrière le roi. Est-ce qu'on a déjà appris comment il marche? C'est pas comme ça qu'on marche. Quand on est femme du roi, on doit apprendre à marcher. On dit, mais on a Kwanza, il est Miguru, il marche comme ça. Si vous amenez les fermés, oh, Minachoka. Oh non. Tu dois apprendre tout ça. Tu ne mérites pas le roi. Tu as étudié dans quelle école? Oh non, moi je n'ai pas été dans l'école. J'ai gardé les troupeaux. Mais tu vas parler comment avec les diplomates? Allez, mange à table. Oh non, mon lété mayakunao. Mange avec le. Oh, si joue. Il y en a pas. Il n'y a rien là. Comment tu es arrivé dans le palais? Et je suis en train de dire à quelqu'un, vous savez, dans notre vie, chacun a ses ambitions, mais il y a des résistances. Si je vous dis au nom, je vais aussi postuler comme gouverneur, comment vous pouvez dire? Cherchez une réponse. Si vous apprenez que Christophe Zahadi est candidat aussi au gouvernorat de la province du Nord-Kivu, quelle réponse vient dans votre tête? Chacun de nous, même quand tu dis au nom, il y a même des fois, et gloire à Dieu, et il a donné à ses enfants l'intelligence. Nous parlons à haute voix quand nous adorons, quand nous louons. Je vais gérer. Mais quand on dit chacun prie vraiment au sérieux, vous allez sentir que chacun entre dans son coin et on parle dans son cœur. Seigneur. Même dans le bureau pastoral, c'est comme ça. Vous recevez quelqu'un, vous dites, mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? En tout cas, que Dieu me donne de rester fidèle. N'est-ce pas, papa Jean-Baptiste? Dit, mais c'est ça, t'as dit, Mungu, ani penguvu ya kuendelea, nani jibi et tout. On a honte de dire, moi j'ai besoin de ça. Parce que toi-même, déjà, la résistance est dans ta tête. Tu te dis, ah, ce que Nkassem m'amène à mériter, mère de la ville. Déjà, on va me dire, mais quelle expérience tu as à politique? Oh non, non, je viens de finir à l'IETS. Il faut d'abord monter un peu. Chacun de nous a une résistance à Jérusalem. Chacun de nous rencontre des filles de Jérusalem qui te disent, tu n'es pas digne de te marier. Tu n'es pas digne d'évoluer dans les business. Tu n'es pas digne d'évoluer dans la politique. Tu n'es pas digne d'être promu dans l'entreprise. Tu n'es pas digne de construire une maison. Dans ta famille, il n'y a eu personne. Dans ta maison, il n'y a eu personne. Ton background montre que tu as échoué. Mais cette femme avait de bonnes raisons. Et ça, c'est ce que je veux, que chacun de nous rentre à la maison avec ça. C'est plus que les diplômes, c'est plus que la beauté, c'est plus que nos mérites personnels, c'est plus que tout ce que nous pouvons nous donner. Parfois, tu peux dire, mais oh non, tel pasteur, quel est ton secret pour être ceci? Il n'y a pas de secret, c'est la grâce. Tu dis à celui qui évolue dans le business, mais pourquoi tu réussis? Ou non, moi, tu vois, quand je vais à Kampala, je ne dors même pas dans les chambres chères. Tu peux dormir dans les chambres moins chères et quelqu'un te vole l'argent et tu deviens idiot. Ce n'est pas un problème de stratégie. Parfois, c'est la grâce. C'est vrai, ces choses-là ne sont pas mauvaises, mais c'est la grâce. C'est la grâce. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est la grâce. Parfois, on ne le reconnaît pas. Et la femme, c'est que les arguments que je peux donner ne sont pas valables pour prouver que moi je peux être la femme du roi. Si je dis que j'ai étudié, mes études ne valent pas la peine de faire de moi une reine. Si je parle de mes origines, mon village, c'est le plus médiocre d'Israël. Je ne suis pas digne d'être la reine partant de mon village ou de mes origines. Si je parle de mon expérience, ce n'est pas l'expérience d'une bergère qui peut me rendre recommandable dans la maison royale. Et donc, tous mes arguments tombent caducs. Tout ce que je peux présenter, c'est autre chose. C'est pourquoi elle dit, la beauté que vous cherchez, c'est une femme raffinée. Une femme à la taille royale. Vous savez, si vous voyez toutes les femmes des présidents, elles ont une taille. Vous voyez, non? Cherchez les femmes que vous venez. Il y a des tailles où quand vous avez cette taille-là, déjà, ça vous dit que vous ne pouvez pas vous marier à un président. Regardez seulement les femmes, les premières dames. Cherchez seulement sur Google, cherchez leur taille, leur poids. Vous allez vous rendre compte que moi, je peux ou je ne peux pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. N'est-ce pas? Bon, en fait, il y a, quand vous voyez seulement votre taille, la taille de votre tête, vous dites, ici, je ne peux pas. Bon, gloire à Dieu. Moi j'ai aimé toujours notre pays parce que notre pays nous a démontré à suffisance que Dieu, tout est possible. Vous pouvez être agronome et on vous nomme ministre de l'économie. Ça, c'est déjà arrivé dans notre pays. Et donc, le pays, le Congo, nous a enseigné que rien n'est impossible. Acclamons le Seigneur pour ce beau pays. Alléluia. Et ça permet que le chrétien croie à tout. Tout est possible. C'est déjà un background qui nourrit notre foi. Et nous avons moins de limites que les Européens. Nous avons moins de limites. Nous, on voit que c'est possible. Du fumier, nous avons vu les gens devenir, et c'est tout. On a vu des généraux qui n'ont jamais été capitaines, qui n'ont jamais été majors. Paf, général. Et ça, ça te permet de croire que tu peux devenir n'importe quoi. Je dis, tu peux devenir n'importe quoi dans l'élévation parce que tu es congolais, parce que tu as Jésus. Tu as déjà une base. Dieu t'a déjà donné une référence. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Je peux tout devenir parce que j'ai Jésus. La femme dit, je suis belle comme les tentes de Kedar. Si vous voulez me combattre, si vous voulez chercher des diplômes, alors mon diplôme, c'est la tente de Kedar. Le Kedar, la tente de Kedar, c'était la tente faite de peau. À d'autres termes, je suis deux choses. La première chose, c'est que je suis une tente. Je suis trois choses, en fait. Une tente, c'est-à-dire je suis habitable. Je suis une maison. Je m'excuse, je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Je suis une maison. Je suis une demeure. Si vous entrez à moi, vous avez le repos. Je me souviens encore de la prédication de Marcelo. Il a dit, il faut que tu te dises, est-ce que je suis mariable? Est-ce que je suis mariable? Vous vous souvenez de cette prédication? Et la femme dit, bon, je ne suis pas tout ce que vous cherchez. Je ne sais pas marcher comme la première dame. Je n'ai pas la teinture comme la première dame, mais je suis une maison. C'est-à-dire, si vous entrez en moi, vous avez l'ombrage. Je suis une tente. Au moins, on peut habiter en moi. La deuxième chose, c'est que je suis une tente, je ne suis pas une maison fixe. C'est-à-dire ma destinée est flexible. Je suis mobile. On peut me déplacer d'un point à l'autre. Si tu m'as vu au village, ne t'étonne pas de me voir à la ville parce que moi je suis démontable. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es démontable. Et quand le roi te choisit, même s'il t'a pris du village, il peut te démonter et aller te monter là où tu ne mérites pas. Je dis à quelqu'un, Dieu va te déplacer parce que tu es flexible, tu es transformable. Même si je n'ai pas la taille, même si j'ai des défauts, je suis dans la maison du potier. Aujourd'hui, tu peux me voir avec des barbes comme ça. Ne me juge pas comme ça et ne prends pas beaucoup de photos que tu gardes. Demain, tu peux te rendre compte que je suis raffiné. Ouh. Parce que je suis dans la maison du potier. Donne à celui qui est à côté de toi et petit sango, tu dis, tu es dans la maison du potier. Dieu peut te changer. Tu es mobile. Tu es transformable. Tu n'es pas fixe. Ne me juge pas. C'est comme si le célibat, c'est une identité pancarte, célibataire pour du bon. Attention, tu compteras des mois, tu compteras des années et demain tu vas t'étonner que j'ai quelque chose. Est-ce que les célibataires peuvent acclamer le Seigneur? Je suis en train de te dire que ta situation n'est pas éternelle. Tu es mobile. Tu es à Sussem aujourd'hui. Tu es à Sunem. Demain, on peut te rencontrer à Jérusalem. Et sois fier. Si quelqu'un te dit, mais comment tu penses que tu es ici? Tu dis, non, je suis dans la poterie. Si tu m'as vu, j'ai une telle forme. Le potier continue son travail. Il y a celui qui est à côté de toi. Mungwaya Maliza Nami, Yangali Nendele. Demain je vais vous venir ici, je parle le Chiluba ou si Shangale. Je suis capable d'apprendre le Chiluba et je le parle. Nin. Ono quoi? Même aujourd'hui j'ai dit là et là. Nipe miaka. Ndakuonge. Oui, tu me juges, oh non, celui-là, il dit là au lieu de lait. Ça s'apprend, frère. Moi, je suis une tante. Tu peux me voir à Sunem, mais je suis démontable. Et je suis encore remontable. Je dis à quelqu'un, tu vas être remonté dans le meilleur endroit, dans la meilleure place. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. La Bible déclare, le Dieu à qui nous croyons, c'est lui à qui il y a l'être et le mouvement. Dieu va te déplacer. Kaono, vas-tu à Kiwe? Attention. Je suis à Kiwe aujourd'hui. Demain, tu peux me retrouver au bord du lac. Et tu auras du mal à nager dans ma piscine. Ndakuna wisha. Ndakupokea, nandakwambia non, tu n'es dans ma piscine. Tu sauras que je suis une tante. À un moment donné, on m'a placé Akiwe est le chef, le roi m'a démonté. Il m'amène encore à côté du lac. Kibaya Kikwapi. Si tu crois que cela va être fait dans ta vie, acclame-le. Acclame-le. Ta situation ne sera pas éternelle. Demain, Dieu va changer ton nom. Demain, Dieu va changer ta situation. Oh, je parle à quelqu'un. Demain, Dieu va te donner un autre nom. Tu n'es pas fixé à ce lieu-là. Même la maladie. On peut t'appeler diabétique aujourd'hui, mais Dieu va enlever ces sucres-là. Et les médecins viennent changer les noms. Qui t'a dit que tu t'appelles diabète parce que tu as quelques sucres qui dérangent, qui montent? Qui t'a dit que tu es sidéen parce qu'il y a quelques cellules qui te dérangent? Qui t'a dit que tu es chômeur parce que tu portes la carte de l'ONEM? Ces situations sont passagères. Dis avec moi, passagères. Parce que tu es une tante. Et dans la maison de Dieu, tu es dans la maison du potier. Il va changer ta situation. La troisième chose, c'est que tu ne peux pas voir la tante de Kedar si un animal n'a pas versé son sang. Si tu vois la peau, c'est que l'animal est tué. À moins que ce soit les serpents. Et Dieu n'a jamais élevé le serpent. Il a maudit les serpents. Mais il a béni l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La femme est en train de dire, tout ce que vous dites, je ne mérite pas d'être la femme de Salomon. Mais moi, je ressemble aux tantes de peau. Ma beauté vient du sacrifice. Ma beauté vient du sang. J'ai volé, c'est vrai. J'ai avorté, c'est vrai. J'ai mal parlé, c'est vrai. J'ai critiqué Chilombo, c'est vrai. Mais le sang, je peux aussi être comme il s'est m'embaya. Il faut quoi dire? Mais Hébreux 9, 22, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Ou si nous allons chez Zambia, Jana, il y a Jouzi, Bandougou, Nicha, tout pour Badie. Dame. Quand le roi a versé son sang sur la croix, il a dit, tout est accompli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que tout a été accompli dans la famille? Mes parents sont sorciers, je le sais, mais le sang a coulé. Mon père était voleur, je le sais, je n'ai pas besoin que quelqu'un me le rappelle, mais le sang a coulé. J'ai tué, j'ai avorté, j'ai fait ceci ou cela, mais le sang a coulé. Et j'ai accepté ce sang. Et Apocalypse me dit, ils l'ont vaincu. Christophe, tu vas vaincre le chômage. Christophe, tu vas vaincre la maladie. Christophe, tu vas vaincre la méchanceté. Tu vas vaincre l'adversité. Pas parce que tu es stratège. Pas parce que tu as fait le collège. Pas parce que tu as étudié. Pas parce que tu es connu au Kassai. Mais parce que le sang a été versé. Tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu l'as vaincu à cause du sang. La richesse de l'église, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas les comptes à banque. La richesse de l'église, c'est le sang de Jésus. Si le sang de Jésus est sur toi, la marque du sang. L'argent ne peut pas fuir les démons. L'argent ne peut pas nous sauver de la main de Pharaon. Il y avait 10 miracles, ou disons 9. Tous les pays deviennent ténébreux, les ténèbres palpables. On a goûté à Giza. Tout l'eau du pays devient le sang. Les grenouilles montent de toutes les rivières, ils remplissent les maisons. Tout ça n'a jamais convaincu Pharaon. Nous n'allons pas vaincre les démons de Goma parce que nous avons des offrandes pleines. Nous n'allons pas vaincre les démons de Goma parce que nous avons des universités, nous avons des cadres. Non, ils l'ont vaincu à cause du sang. La valeur de l'église, c'est le sang de Jésus. La force de l'église, c'est le sang de Jésus. Et Moïse, Dieu dit à Moïse, vous immolerez l'agneau entre les deux soirs. C'est pourquoi Jésus est mort à 15 heures. Le deux soirs, il y a eu le soleil qui s'est éteint et qui s'est réallumé. C'était le deux soirs. Vous immolerez l'agneau et vous prendrez le sang de l'agneau. Vous allez l'appliquer au linteau. Et quand l'ange verra le sang, il va frapper. Pharaon qui n'a pas été vaincu par l'argent, qui n'a pas été vaincu par le miracle, quand le sang est vexé, la coutume doit te lâcher, la malédiction doit te lâcher, la pauvreté doit te lâcher, là où les études ne t'ont pas donné la richesse, le sang de Jésus va te donner la richesse. Je déclare sur la vie de quelqu'un que le sang de Jésus va tracer le chemin dans ta vie que les études n'ont jamais ouvert. Le sang de Jésus, c'est la clé. Fais ça avec moi. La clé qui ouvre toutes tes avancées, ça s'appelle le sang de Jésus. Que c'est ça t'ouvre les portes que tu as vues fermées par les hommes, par les circonstances, partout. Pourquoi je dois avoir aussi l'audace de croire que Dieu va m'élever? Ce n'est pas parce que je suis d'un village connu. Ce n'est pas parce que j'ai de bons parents. Ce n'est pas parce que j'ai de bonnes connaissances ou de bonnes relations. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang. Et je peux être beau. Je peux imaginer même que je peux prêcher. Ici. Peut-être même plus loin. Peut-être dans des auditoires plus élevés. Pas parce que j'ai étudié. Mais parce qu'il a versé son sang. Jésus a versé son sang pour toi. Le sang qui justifie. C'est ce qu'elle dit. Le soleil m'a rencontré. Quel est ce soleil? C'est le soleil de la justice. Il dit, j'ai rencontré le soleil. Je suis victime du soleil. Quand je suis frappé par le soleil, je ne suis plus laid. Je suis noir. Le soleil m'a rendu noir, mais je ne suis pas laid. Vous savez, la justice porte noir et blanc. Ça veut dire que la justice peut vous condamner à noir et ça peut vous justifier à blanc. Et ça montre que dans 95%, la justice va nous condamner. Le blanc, c'est petit. C'est pourquoi ne vous étonnez pas quand la justice vous condamne, même quand vous avez raison. Parce que le blanc, c'est petit, Papa Richard, Maître Richard. N'est-ce pas? Dis avec moi, je suis victime du soleil. Maman Rosette, c'est tout comme victime du soleil. Il y a des choses qui se font mal. Mais on a vu ici que tout le monde se joue à Yesu. Quand on se convertissait, tout le monde a dit qu'il y a un bon jour. Watu wengi, wana tuzarau, wakiona, hatule witena, wanazani, tunakosa pesa, kumbe tumekombolewa. Watu wengi wanatuzarau, wakiona hatupigani tena, wanazani tunakosa nguvu, kumbe tumekombolewa, tumekombolewa. Si Jésus ne vous a pas sauvé, vous êtes un alu terrible, un adef terrible. Yesu hangi basaidi. Watu kwanza kuko benye wanapasha tu pana sadaka wakiona tu tunaokoka. Angalia tu ule buzuri yako. Kamu shabomola bunyumba ngapi. Normalement de mama devait te féliciter kuokoka tu. Jouwe kukua hawoko kuko danger. Même les femmes mariées savent que tu bwana yake kakuona. Na una mchekea tu. Unonesha tu ile fosete. Jaribu inaingia mwele fwaye. Me bahati yake ke ulikutana na jua. Jua ikakufanya mweusi. Jua ikakufanya unakosa sura. Akumbe umekombolewa. Laissez-moi te parler d'une femme qui était brune et qui a rencontré le soleil. Na soleil kamu rentre noir. Elle s'appelle Marie. Alikuwa murembo kona pita. Et non, je suis déjà mariée. On a déjà donné la dot. D'ailleurs le pasteur va nous présenter dimanche. Nous nous marions le mois prochain. Et on a kutana na jua kama alikuwa anatembea tembea wapi paf juu na mwangazia wa namwambia wewe ndakubebesha mimba. Utabeba mimba ya masia. Mie siliko na bwana ndanalunga. Je vais m'arranger de. Si anatoka kule chakua mweusi tadire digne de mort scandale. Joseph me dit, mais tu vois qu'on a vimba, c'est quoi? Où qu'on a mangé les bois? Chérie, si tu as ta canicambie, alikuwa frère wa mzuri Joseph anasema boache mimi namuacha tu secretement. Marina weusi yake anabakia pale. Mais parce que le soleil l'a brûlé. Il est soleil, ça s'appelle le soleil de la justice. La Bible déclare, grâce aux entrailles de sa miséricorde, le soleil levant nous a visités. Quand le soleil t'a affaibli, mais le Dieu qui t'a rendu noir va te justifier. Le Dieu qui fait que même quand tu as raison, tu t'éteins, va te justifier. Il est celui qui justifie les sans voix. Il est celui qui parle pour ceux qui n'ont pas de défenseur. Il est le défenseur des veuves et des orphelins. Joseph en attaque, Kimbia, Nanza, Angale, Kamatona, Mungine, Ser, Malaika, Namambia, Joseph. Ne fouille pas ta femme. Rentre, va la prendre. Tu avais prévu le mariage au mois de juillet. Tu remets ça en mars. Parce que là, ma grossesse, il faut que les gens ne se rendent pas compte. Tu vas dire que c'est toi le père. Ah, quoi il est dit au Baba? C'est moi le responsable. C'est moi celui qui a engrossé ta femme. C'est moi Dieu. Va prendre. Et pendant 9 mois de grossesse, tu ne touches pas. Banalunga, pasteur, à partir de ce jour, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, je vous déclare, mari et femme. Banafika munyumba, banalala. Joseph en allant la Chine. En a tiré Marie Kitan. Vale wa Shanga wa Yuaya Subu. Eh, Moucha la Mouka. Nilikia tafuta madra. On a tafuta madra Joanin. Si tu n'as pas chaud, on a kama zili loban. Asse, non, mais il y a mingi, il y a mi peke ni kazifu la busiku. Chapia Joseph Makofi. Bon. Je suis en train de dire simplement que Dieu, il peut te rendre noir et lui-même te rend beau. Et dit, je suis noir mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est là que l'apôtre Paul dit, ne touchez pas à mes cicatrices. Ce sont les cicatrices que j'ai eues dans l'évangile. Kamani kona kovu hapa usianze ni cheka. Haiko kovu ya pombe, haiko kovu ya kugombana, ça c'est l'évangile. Il y a des marques de Christ. Il y a des gens qui sont devenus plus faibles. Il y a des gens qui sont devenus comme lait. C'est comme si tu n'as plus la beauté. Parce que le soleil t'a brûlé. Et ce soleil va te justifier. Ce soleil va t'introduire dans la maison du roi. Tu vas évoluer parce que tu as rencontré Jésus. Il suffit. Ça suffit d'évoluer parce que tu as rencontré Jésus. Si je suis dans le cortège présidentiel, tu n'as pas besoin de connaître mon diplôme. Je vais te dire, va, tu vas aller. Tu ne vas pas dire, oh, tu as quel diplôme? Moi, je suis avec le président, tu me demandes mon diplôme. Je suis avec le président, tu me demandes mon village. Je peux dire seulement aux policiers, saisissez-le. Alors dis à celui qui est à côté de toi, je suis dans le cortège royal. Ça suffit, le sang de Jésus suffit pour que tu évolues. La rencontre avec Jésus suffit pour que tu progresses parce qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné un pouvoir de devenir. Tu peux devenir tout. Tu peux devenir tout ce que tu rêves parce que tu as la semence de devenir. Et tu es comme les tentes de Salomon, c'est-à-dire tu ressembles à là où tu vas. Toi tu es pâle. Papa Jean-Baptiste, qui est un délèche. Tchapiaï Soumakofi. Na umufurahie Mungu.